des autres expéditions et détachements durant l'ancêtre de l'Égypte. L'expédition de Zatouriqa'a, ayant triomphé des deux puissantes composantes de l'alliance tripartite anti-islamique, le prophète alayhi salatu wassalam se prépara à soumettre la troisième faction, à savoir les Bédouins du désert, qui avaient choisi comme centre de vie la région du Nejd et qui se livraient régulièrement au pillage. À la différence des Juifs de Khaybar et des Mekwas, ils aimaient vivre dans les grandes étendues désertiques, dispersées en de multiples foyers de population, d'où la difficulté de les contrôler. Le prophète alayhi salatu wassalam était cependant déterminé à mettre un terme à cette situation inacceptable et il lança dans ce but un appel à l'adresse de tous les musulmans présents à ses côtés pour qu'ils se tiennent prêts à livrer une bataille décisive contre ces rebelles. La plupart des auteurs des Marazi situent cette expédition en l'an 4 de l'Hégire. Mais la participation d'Abu Moussa al-Ash'ari et d'Abu Huraira confirme le fait qu'elle se déroula après les événements de Khaybar, probablement au mois de Rabi al-Awwal de l'an 7 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit que les Banu Anmar et les Banu Muharib et les Banu Tha'laba, appartenant à la tribu des Ratafan, rassemblaient des troupes pour attaquer les partisans de l'islam. Il se dirigea alors vers le Nejd à la tête de 400 ou 700 hommes, après avoir désigné comme son lieutenant à Médine Abu Dhar ou selon une autre version, Othman ibn Affan. Les soldats musulmans progressèrent en territoire ennemi jusqu'à Nakhla. Là, ils se trouvèrent face à face avec des bédouins de Ratafan, mais aucun affrontement n'eut lieu, ces derniers ayant accepté de se réconcilier avec les musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam conduisit ce jour-là à la tête de ses compagnons la prière en cas de peur, salatul khawf. Il fit 4 unités de prière, les 2 premières avec un groupe de combattants et les 2 dernières avec l'autre groupe. Ainsi l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, fit en tout 4 raka'a et l'armée 2 raka'a. Al-Bukhari a mentionné d'après Abu Moussa al-Ash'ari les propos suivants concernant cette expédition. Nous n'avions qu'un seul chameau pour un groupe de 6 hommes que nous montions à tour de rôle. Nous avions les pieds sévèrement abîmés. Mes pieds étaient dans un si mauvais état que mes ongles tombèrent. Nous avions bandé nos pieds avec des chiffons, c'est pourquoi cette expédition fut appelée Zatouriqa'a. En arabe, le mot riqa signifie une pièce, un morceau d'étoffe avec lequel on raccommode un habit. Jabir a rapporté l'anecdote suivante. Lors de l'expédition de Zatouriqa, nous sommes passés près d'un arbre ombragé que nous avons réservé au prophète, alayhi salatu wassalam, afin qu'il puisse se protéger de la chaleur. Les gens se dispersèrent ça et là, cherchant également de l'ombre. Descendant de sa monture et accrochant son épée à l'arbre, le prophète, alayhi salatu wassalam, fit une courte sieste. Entre-temps, un polythéiste surgit, saisit l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la dégaina. Celui-ci se réveilla pour trouver son épée entre les mains de cet homme. Le bédouin demanda alors au prophète alayhi salatu wa sallam « Me crains-tu ?»« Non, » répondit-il. « Qui pourrait m'empêcher de te tuer maintenant ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Allah ». Jabir ajouta « L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous appela. » Arrivé auprès de lui, nous trouvâmes un bédouin assis. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Ce bédouin a tiré mon sabre de son fourreau alors que je dormais. En me réveillant, il était devant moi brandissant mon épée et m'a dit « Qui pourrait m'empêcher de te tuer maintenant ?» J'ai répondu « Allah ». Et le voilà maintenant assis. Le prophète sallallahu alayhi wassalam ne le blâma pas. Dans une autre version, d'après Abu Uwana, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit l'épée lorsqu'elle tomba de la main du bédouin. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui demanda « Qui te protégera contre moi ?» et l'homme de dire « Sois meilleur que moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que je suis l'envoyé d'Allah. » Le bédouin répondit « Je prends l'engagement de ne pas te combattre et de ne pas soutenir ceux qui te combattent. » L'envoyé d'Allah alayhi salatu wa sallam le laissa partir. Le bédouin rejoignit alors les gens de son peuple à qui il affirma avoir rencontré le meilleur des hommes. Sur le chemin du retour, une bédouine fut faite prisonnière. En apprenant cette nouvelle, son mari jura de verser le sang des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, de nuit, il s'approcha secrètement du camp des musulmans lorsqu'il aperçut 2 sentinelles qui montaient la garde. Il tira une flèche contre Abbad ibn Bishr, la première sentinelle, alors qu'il effectuait sa prière. Mais celui-ci ne cessa pas de prier et se contenta de retirer la flèche de son corps. Puis Abbad fut touché par trois nouvelles flèches, mais il n'interrompit pas sa prière. Après avoir effectué les salutations finales, il réveilla son compagnon, Ammar ibn Yasir. Celui-ci lui reprocha de ne pas l'avoir alerté plus tôt, et Abbad se justifia en disant qu'il récitait une sourate au moment où il avait reçu la première flèche et qu'il n'avait pas voulu cesser sa prière avant d'en finir la lecture. Cette expédition victorieuse de Dhatu Riqa' eut un grand impact sur les Bédouins. La peur gagna leur cœur et ils voulurent éviter toute confrontation avec les musulmans de Médine. Ils durent se résoudre à accepter la nouvelle situation en Arabie qui se traduisait par une géopolitique favorable à la religion islamique. Certaines tribus entrèrent même en islam et prirent part activement à la conquête de la Mecque et à la bataille de Hunayn, recevant leur part du butin et s'acquittant de la zakat après la conquête de la Mecque. C'est à cette époque que la coalition tripartite hostile à l'islam fut anéantie et que la paix et la sécurité régnèrent enfin. Les musulmans se consacrèrent dès lors à la résorption de petites poches de rébellion qui semaient encore l'agitation çà et là. Ils commencèrent même à se préparer en vue de propager l'islam en dehors de la péninsule arabique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après son retour à Médine où il demeura jusqu'au mois de Shawwal de l'an 7 de l'Hégire, envoya 8 autres détachements contre diverses tribus arabes. Parmi elles, celle de Ghalib ibn Abdillah al-Laythi. À la tête de 130 hommes, il lança une attaque contre les Banu Awwal et les Banu Abd ibn Tha'laba à Al-Mayfa'a ou contre Al-Huraqat, une branche de la tribu de Juhayna, au mois de Ramadan de l'an 7 de l'Hégire. Cette attaque se solda par la défaite des polythéistes et la saisie de chameaux et autres animaux. Oussam ibn Zayd tua Mardas ibn Nahik, un polythéiste, mais après que ce dernier eut prononcé l'attestation de foi. Oussam se justifia en disant que le polythéiste ne l'avait fait que pour sauver sa vie. Le prophète alayhi salatu wassalam réprouva l'attitude d'Oussama en lui disant « As-tu ouvert son cœur pour savoir s'il était sincère ou non ?»